Bienvenue, mon Dieu, excusez, je me suis fait faire un saut moi-même. Bienvenue au Radioton 2018 de CKRL. On est installé, ça fait déjà quelques jours là, qu'on est en grand déménagement pour placer notre cabaret radio. On a la scène, une grande amélioration cette année. On a habillé la scène d'ailleurs, donc il faudra venir la voir pour le comprendre. Toujours notre petit plateau ici avec les invités. Les chaises pour le public sont installées, on a de l'éclairage, on a les ballon, qui est un incontournable du Radioton, le bar aussi avec notre partenaire de la Barberie. Alors ça y est, tout est prêt pour ce Radioton 2018. Mon nom est Tania Beaumont et je suis directrice de la programmation de CKRL et c'est pourquoi ça me fait plaisir d'ouvrir ce Radioton. L'émission, c'est l'émission d'ouverture, tout simplement. Donc dans les deux prochaines heures, on va parler avec plusieurs partenaires, entendre des artistes qui sont avec nous dans la fin de semaine, vous parler des lots d'encans. On en a 95 au total. C'est sur notre site internet, vous pouvez aller faire un tour. D'ailleurs, le site est aussi en mode Radioton. Il y a déjà des gens qui ont commencé à téléphoner pour miser sur les lots d'encans. Donc, ça va très, très vite. Dès 15h30, dès que les mises ont été ouvertes, les gens ont téléphoné parce que c'est comme ça que ça marche. Nous, on a envie de vous parler. On veut être humain, on veut des contacts, donc c'est le 418-640-2575, comme toujours, pour miser sur les lots d'encans. Mais pour ce qui est des dons toute la fin de semaine, vous pouvez les faire sur notre site ckrl.qc.ca, par PayPal, et évidemment venir nous voir ici au 405 3e Avenue. On va vous expliquer tout ce qui va se passer dans les deux prochaines heures. Mais pour commencer avec cette émission d'ouverture, un classique, Danny Fortin avec moi. Bonjour Danny. Oui, bonjour Tania. Et aussi Patrick Nizot qui est là. Bonjour Patrick. Bonjour Tania. Co-porte-parole de cet événement du côté affaires, donc propriétaire des boîtes à pain. Oui, effectivement, heureux co-porte-parole, effectivement, président, on va dire, si on veut. Là. Merci en tout cas de m'accueillir parmi vous. Ben, ça nous fait un grand plaisir parce qu'on est voisins, donc on se côtoie assez régulièrement. On va vous voir, en tout cas, nous. Nous, on vous écoute et puis avec plaisir, toutes les nuits d'ailleurs, enfin. Bon, ben voilà, donc c'est pourquoi on a décidé de s'associer dans cet événement. Danny, directeur général de CKRL, rappelle-nous l'importance de l'événement du Radioton. On parle de 42 000, donc quand on parle de 42 000 $ pour CKRL, ça représente environ 10 à 12 % du budget annuel. Donc, c'est une fin de semaine, c'est une fête de la radio, je le répète souvent, où on va recevoir des artistes, personnalités tout au long de la fin de semaine, mais c'est également important pour la station. C'est bien sûr un événement de financement. Donc, faut pas passer, on peut pas passer à côté si on veut continuer justement d'offrir ce produit radiophonique unique dans la région de Québec. Mais on dit souvent 10 à 12% du budget, mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement? Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, à part me payer? C'est sûr que ça, c'est une bonne part du 42 000, mais en gros, on parle d'une station de radio. Donc, une station de radio, bien sûr, c'est des équipements. Les équipements, les gens vont dire, oui, mais chaque année, tu nous dis qu'on a besoin de changer les équipements, mais c'est vrai. Donc, quand on parle d'équipements, on parle de studios de diffusion, studios de production, émetteurs. C'est des coûts qui sont quand même assez importants. Donc, faut renouveler cet équipement-là pour continuer justement d'émettre sur le 89.1. Donc, c'est pour ça qu'à chaque année, ces montants-là sont dans le budget de CKRL pour justement en arriver à avoir un budget équilibré. Donc, le 42 000 est vraiment nécessaire. Et Danny, depuis déjà quelques semaines, c'est le pré-radioton. Mm-hmm. C'est pas encore terminé. Non. Il est quelle heure, là? Là, il est 16h11 minutes. Donc, il reste 49 minutes aux gens pour faire un don. Soit en passant ici à la station au 405 3e Avenue, ou également par téléphone au 418-640-2575. Si vous êtes à la maison, par PayPal, sur notre site Internet, donc à l'onglet « Don » ou « Devenir membre », parce qu'il y a deux prix qu'on va offrir à 17h, un prix pré-radioton pour ceux qui ont fait un don depuis le dernier mois et demi, ou ceux qui sont membres en règle de CKRL, donc qui sont devenus membres ou qui étaient déjà membres, pourront également se mériter un prix à 17h. Et Danny, pourquoi on fait un pré-radioton? Déjà, toute la fin de semaine, on veut que les gens nous donnent l'argent. Pourquoi on a commencé il y a plusieurs semaines? Bien, premièrement, ça nous aide au niveau visibilité. On se le cachera pas. Oui. Donc, en faisant un pré-radioton. Mais en même temps, on incite les gens à avoir la chance de gagner quelque chose d'unique. Donc, pour le don pré-radioton, c'est 200 $ de certificat cadeau. Fait que c'est un avantage de faire un don dans le mois précédent, justement. Et nous, ça nous permet justement de débuter le radioton avec une petite idée de l'intérêt des gens encore envers la station. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours une belle image de savoir que les gens croient en nous, mais ça nous permet aussi de ne pas commencer à zéro. Oui, c'est ça. On dirait que c'est longtemps à dire « OK, là, on a 0 $ ». Puis là, on est à zéro parce qu'on n'a rien d'annoncé. C'est à vrai. À 17h, on va annoncer tous ceux qui ont fait des dons depuis, comme je disais, les 5-6 dernières semaines. Une grosse heure, là. Une grosse heure. Oui, exactement. Une grosse première heure. Donc, environ 45 minutes encore pour participer au pré-radioton. Mais évidemment, toute la fin de semaine, c'est possible de donner de tellement de manières. Tu parlais de l'encan tout à l'heure, Tania. Cette année, 95 lots d'organismes culturels, de partenaires locaux, justement, qui nous encouragent année après année, qui nous font don, c'est le cas de le dire, de certificats ou autres prix. Et les gens, l'auditoire de CKRL peut miser tout au long de la fin de semaine en se présentant ici. Ils peuvent justement voir les œuvres d'art ou aller miser en studio. Par téléphone, c'est sûr que c'est la façon la plus simple, 418-640-2575. Les lots d'encan seront fermés dans l'émission de fermeture dimanche entre 18h et 21h avec toi et Agnès Maltais. Donc, tout au long de la fin de semaine, faites grimper nos lots d'encan. C'est ce qui va nous permettre possiblement, et espérons-le, d'atteindre notre objectif de 42 000 $. Et Dani, ça c'est la portion argent, on a toujours les porte-paroles, on sépare ça, hein. Côté artistique, ça c'est moi, hein, c'est moi qui fais les approches pour André Cassidy. Et côté affaires, ben là, c'est de ton côté. Pourquoi tu as décidé de solliciter Patrick? Patrick, je pense que c'était, quand on parle d'entrepreneur, CKRL est là pour la découverte d'artistes du milieu culturel, mais également pour la découverte, moi je trouve, d'entrepreneurs, des gens au niveau qui s'impliquent justement au niveau local. Et la boîte à pain, je trouve, c'est une très belle entreprise d'économie sociale, tant qu'à moi, avec trois boîtes à pain maintenant. Et c'était une évidence pour moi d'inviter Patrick et sa conjointe également, Leith Brown. Donc, pour moi, Patrick et Leith étaient vraiment... L'année passée, c'était Alain Slide du Bal du Lézard, au niveau bar, boîte à pain au niveau alimentation. Donc, c'est la raison principale. Bon, on a toujours été un petit peu présent aussi parmi vous, avec vous en tout cas, durant les 8 dernières années. Je pense que depuis qu'on a ouvert ici, en tout cas, c'est le café, mais c'est bien sûr les viennoiseries, c'est aussi la publicité chez vous, cette année-ci d'ailleurs. Très belle publicité avec nous. Merci. Ça nous fait plaisir. Mais ça nous fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir d'être ici. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Tout le monde est content. Tout le monde est heureux. C'est le fun. Dani Fortin, je te laisse comptabiliser les derniers chiffres du pré-radioton. On se retrouve à 17h. Est-ce que j'ai dit le numéro de téléphone, Tania? Je ne le sais pas. Peux-tu le répéter pour être sûr? Tout au long de la fin de semaine, un seul numéro à retenir, si vous n'avez un à retenir, c'est le 418-640-2575 ou notre site Internet www.ckrl.qc.ca. Et notre endroit où on demeure, CKRL, où on diffuse le 405 3e avenue dans le quartier Limoilou. Merci beaucoup, Dani. On te retrouve tout à l'heure. Oui, Patrick? Non, j'allais simplement dire juste en face de la boîte à pain. C'est pas difficile, si vous ne trouvez pas la place. Ben, c'est ce que j'allais dire, juste en face de la boîte à pain, pour vrai, parce que je voulais qu'on se rappelle à quel moment la boîte à pain est arrivée dans Limoilou. Dans Limoilou, on a ouvert en 2008. On avait commencé les travaux en 2007, ça a pris 6 mois. Et puis le 1er avril 2008, en fait, c'est quasiment une blague, là, mais non, c'est vrai, on a ouvert en avril 2008. Donc là, vous fêtez en fin de semaine votre 10e anniversaire dans Limoilou. Exactement, en fait, le 1er avril, c'était notre 10e anniversaire, mais bon, on n'était pas prêt pour se lancer dans des célébrations, mais ça ne devrait tarder. Donc, on va probablement, d'ici 2 à 3 semaines, commencer à organiser un événement spécial pour souligner ce 10e anniversaire. Probablement une distribution de pain, comme ça, à chaque ouverture donc de la boîte à pain, cette 5 fois c'était comme ça a été des dons de pain, de viennoiserie, puis ce sera probablement la même chose maintenant là, pour remercier notre clientèle d'être fidèle. Donc ce sera certainement à surveiller, mais si on fait l'ordre chronologique, ça a commencé dans Saint-Roch? Oui, la première ouverture c'était le 1er novembre 99. C'était un quartier qui était encore renaissant. Moi, je pense que je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, ce qui est un petit peu la recette du succès. Je ne dis pas que c'est un succès, la boîte à pain, là, mais simplement que oui, en 99, j'avais 29 ans. Par la suite, celle de Limoilou. Oui, c'est ça. 10 ans plus tard, Limoilou. Limoilou, c'était... C'était un peu un pari. Suite à un voyage avec ma conjointe Liz en Italie, on est tombé en amour avec la pizza napolitaine. Et en revenant au Québec, on a essayé de faire ce type de produit, mais avec les fours qu'on avait, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, on a acheté sur le fly un four. Et puis, on a commencé à faire des essais. Puis là, on s'est dit, écoute, on ne va pas juste une pizzeria. L'idée était là, mais on s'est plutôt lancé dans une boulangerie parce que c'était notre force. Et puis en même temps, une pizza, c'est un peu un pain qui est garni. Donc, on l'a intégré à un processus complet de boulangerie, viennoiserie. Puis donc, depuis 10 ans, on s'amuse à développer l'entreprise. Et finalement, celle de Sainte-Foy? Oui, Sainte-Foy, ça a été... On avait, en 2012, 2013, 2014, parce que ça a ouvert en 2014, on avait une belle équipe. Et puis, on voyait que... Parce que les employés restent beaucoup à la boîte à pain. On a des gens qui sont là depuis 15, 16 ans. La grosse majorité de nos employés à temps plein sont là depuis plus de 10 ans. Et donc, avec Daniel Barbeau, qu'on a repéré très rapidement, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Il y a une opportunité, puis quelqu'un est venu me voir, il m'a proposé ce local, et puis je pense que tous les éléments étaient alignés pour que ça se fasse, donc l'équipe était prête, et puis ça c'était vraiment un plus, ça a fonctionné. Et je suis passée cette semaine, en fait hier, pour la première fois, là, j'ai visité toutes les boîtes à pain. Toutes les boîtes à pain. Ça c'est quelque chose. Hein. Disons que jeudi matin avec la neige là pour se stationner, Sainte-Foy, c'est quand même une bonne option parce qu'il y a un stationnement. Oui, on est très très très bien installé à Sainte-Foy. C'est aussi un peu un centre-ville. Saint-Roch, c'est un centre-ville. Limoilou, où nous sommes situés ici, juste en face, d'ailleurs, c'est aussi un centre-ville. Ce sont des quartiers. Puis Sainte-Foy, on est juste en face de l'église. On est, je pense, sur une route patrimoniale, dans un bâtiment qui est superbe aussi. Donc, on est très heureux. Patrick Nizot, reste avec nous. On va continuer de parler de pain, de viennoiserie pour commencer à donner faim aux gens. Mais je me tourne vers un nom, Patrick, qu'on a invité pour cette émission d'ouverture, qui est un ancien de CKRL. C'est Patrick White, qui est rédacteur en chef du Huffington Post Québec. Bonjour, Patrick. Salut. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je suis en congé aujourd'hui. Et t'en profites pour faire de la radio. Vous m'avez invité, alors je peux pas dire non à CKRL, hein? Mais Patrick, ça nous fait toujours un grand plaisir de recevoir des gens qui étaient de passage à Québec, par exemple, qui ont déjà fait de la radio chez nous. Tu étais quand à CKRL, si on veut? Moi, je suis arrivé en 1987, alors que François Desmeul était le directeur des programmes. Éric Etter était le directeur général. Donc, la station était au 47 rue Saint-Ursule, dans le même édifice que le Centre culturel de Québec, qui était dirigé par Agnès Maltais. À mon souvenir. En tout cas, il y avait un rôle important. Une personne totalement inconnue. Oui, et on avait donc toute la collection de disques au sous-sol. C'était très impressionnant. Et c'est une vieille maison canadienne du 19e siècle. Vraiment, c'était une très, très belle époque, foisonnante. Et il faut se rappeler qu'à ce moment-là, ça fait déjà quelques années que CKRL avait quitté l'Université Laval et n'était plus la radio officielle de l'Université Laval. Donc, 1987, là, ça a été mon arrivée, donc avec une émission le jeudi soir ou vendredi soir qui s'appelait Le Jardin des Délices, qui était une émission de musique New Wave, années 80, musique électronique de l'époque et aussi un peu de rock français, parce que le rock français marchait très fort dans ce temps-là. Musique des années 80, dans les années 80, est-ce qu'on c'est l'appelait ça, la musique des années 80? On appelait ça le New Wave. Moi, c'était surtout la vague New Wave et on avait un peu de rock garage qu'on faisait jouer aussi. Donc, il y avait un côté assez avant-gardiste. Puis le Festival d'été de Québec était également très avant-gardiste à l'époque au plan musical, pas pour critiquer les éditions actuelles qui n'ont rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque, mais CKRL était vraiment au cœur de cette vie culturelle-là, mais l'avant-gardisme musical à Québec, c'était surtout à CKRL. Et on embauchait quand même. T'sais, on était des bénévoles, on était là à 17 ans, là. Donc ça nous a aidé beaucoup pour nos carrières. Moi, j'étais étudiant en sciences humaines dans ce temps-là au Cégep de Sainte-Foy. Ça a été très motivant de commencer à CKRL. Donc c'est comme une grande famille, CKRL, et puis c'est un endroit extraordinaire. Mais quels sont les souvenirs que tu en gardes spontanément là, quand on parle de CKRL? Les radiotons, c'est sûr que les radiotons, c'est un gros morceau. Je pense beaucoup à Jean-Paul Lallier, qui était une des vedettes de ces radiotons-là, l'ancien maire de Québec, qui, je pense qu'il y avait 5 téléphonistes en temps réel qui était là pour les appels parce que lui était très, très bon là-dedans. Mais les souvenirs, ben, c'est la discothèque au sous-sol qui était vraiment, vraiment impressionnante. Un autre truc, il y avait beaucoup d'appels téléphoniques à l'époque durant les émissions. Comme nous, ça arrivait régulièrement quand à l'intérieur de 2 heures, le vendredi soir, il y avait entre 50 et 75 appels. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, la radio. Il y a beaucoup moins de téléphones, on dirait, qu'aux animateurs. On prenait beaucoup de demandes spéciales aussi. Mais c'est l'ambiance dans le Vieux-Québec qui était tripante. Et puis, il y avait énormément de jeunes également. Et c'était plus petit. C'était moins organisé. On était encore avec les vieilles bandes magnétiques. Mais ça marchait quand même. Mais tu as quand même toujours gardé un lien, mais peut-être pas toujours, mais depuis les dernières années, tu fais des chroniques ici. Oui, alors le matin, l'émission du matin, rappelle-moi le nom. Les matins éphémères. C'est ça. Alors, le mercredi de 8h15 à 8h30, l'an dernier, c'était le vendredi matin avec votre collègue Dominique Lelièvre, qui est rendu au Journal de Québec, qui est un excellent journaliste ici à Québec. Et pour moi, c'est intéressant juste de donner mon expertise sur ce qui se passe en politique québécoise et politique fédérale, parce que j'ai été journaliste pendant 13 ans à l'Assemblée nationale, et puis la politique, c'est important, puis on parle des grands sujets de la semaine, on fait le tour de l'actualité, puis je trouve ça intéressant juste de donner une analyse aux auditeurs à Québec dans un contexte qui est vraiment, vraiment relax le matin. Là. Mais c'est une chose que tu peux pas faire dans ton poste actuel? C'est-à-dire? De donner ton opinion, ton analyse comme ça. Oui, je le fais déjà au FM 98.5 et à d'autres endroits, mais je suis pas là pour dire aux gens quoi penser, puis je suis pas là pour faire des éditoriaux non plus, mais faire des analyses, ça fait partie de mon travail. Ouais. Mais dans le Huffington Post, est-ce qu'on te retrouve? Oui, alors moi j'écris quelques blogs par année, un peu sur l'actualité. Je fais le bilan chaque année pour notre anniversaire, et à l'occasion, je prends position sur certains sujets, mais c'est un peu comme les chez Québécois, il n'y a pas d'éditoriaux. Chez nous, il n'y en a pas vraiment non plus. Et quand il y a des élections, on ne prend pas position non plus. On n'est pas là pour dire aux gens quoi penser et quoi faire dans la vie. Mais à l'occasion, oui, j'aime ça écrire là-dessus, sur l'actualité en général. Et quels sont les derniers sujets qui t'ont enflammé? Eh mon Dieu, je me souviens que quand Gary Carter est mort il y a quelques années, j'avais proposé que le stade olympique devienne le stade Gary Carter. Évidemment, ça n'a pas été retenu, mais c'est pas grave. Mais écoute, les sujets qui nous enflamment, il y en a tellement. Je pense qu'en ce moment, que ce soit la situation politique au Brésil avec M. Lula là, qui refuse d'aller en prison. Moi, ce qui m'enflamme beaucoup en ce moment, c'est la politique américaine. Hein. On se rend compte qu'on a un voisin quand même assez capoté en ce moment. Et puis de se préparer tranquillement là, pour la campagne électorale de l'automne qui va être très, très chaude avec les rebondissements de cette semaine avec l'arrivée de Vincent Marissal. Puis de surveiller aussi de très près la scène culturelle au Québec qui est d'une vitalité exceptionnelle. Et un autre truc qui m'intéresse beaucoup, c'est la vitalité de la ville de Québec qui a tellement changé dans les 25-30 dernières années. Moi, j'ai connu Québec au début des années 90. On était en récession et en dépression économique, avec des taux de chômage incroyables. Aujourd'hui, la ville, entre 3 et 4 % de chômage, en fait, c'est le plein emploi. On disait assez méchamment dans le temps que Québec, c'était une ville de fonctionnaires. C'est absolument plus vrai aujourd'hui. Et on voit vraiment que toutes les nouvelles entreprises d'économie sociale, comme Limoilou, où j'ai habité quand je travaillais au Journal de Québec, la 3e avenue à Limoilou, c'est une révolution. On regarde ce qui se passe dans les quartiers qui se sont développés avec le développement de l'autoroute du Vallon, Robert Bourassa, Le Bourgneuf, Neuchâtel et toutes les autres banlieues. Ouais. C'est incroyable de voir la vitalité de la ville de Québec et la région. T'aimes y revenir à chaque fois que tu as un congé ou presque? Oui, ben, c'est sûr. Ma mère est à Neuchâtel. Moi, je suis originaire de Neuchâtel. Puis j'ai ma sœur et directrice de l'information adjointe au Journal de Québec, Marianne White. On l'a reçue d'ailleurs l'an dernier. Donc, au Radio-Don. Ma famille est ici, mes nièces, tout ça, les amis. Et de toute façon, toujours être un gars de Québec, même si je vis à Montréal depuis quasiment 16-17 ans. Là. Puis on peut écouter CKRL sur Internet. Ça, c'est une autre évolution aussi. Oui. Que n'importe qui dans le monde peut écouter cette radio-là, alors qu'à l'époque, aussitôt que tu arrivais dans Portneuf, le signal ne rentrait plus. Mais c'est encore le cas. Là, ce qui est intéressant dans le cas à l'époque, c'est qu'il y avait le câble à la radio. Oui. Il y a énormément de gens qui nous écoutaient de Black Lake, Thetford Mines, Portneuf, La Beauce. Il y a certains moments où le signal se rendait jusqu'en le parc des Laurentides. Et c'était incroyable de recevoir les appels de ces gens-là le soir. Puis on ne savait pas qu'on avait autant d'impact sur le câble, en tout cas. Ben, dit comme ça, j'ai envie de rajouter, c'est pour ça que c'est important de donner au Radioton. Oui. Pour qu'on puisse continuer. Oui, puis la carte de membre, c'est combien cette année? 25 $. Ben, 25 $, c'est pas cher. Il n'y a pas d'inflation dans la carte de membre. C'est 25 $ depuis... Les radios communautaires sont financées par le gouvernement au Québec. Le reste, bon, le Radioton, c'est vraiment super important. Ouais. Puis ce que je trouve cool en fin de semaine, c'est les performances qu'il va y avoir. Entre autres, les sœurs Boulay. En fait, c'est les sœurs du Four-la-Pointe qui sont là. Je peux peut-être leur demander de chanter, mais c'est pas leur... ils l'ont annoncé tantôt sur leur page. Je trouve ça bien qu'ils soient là pour ça. Puis je pense que... Chapeau à CKRL, qui a été lancé quoi, en 74? 73. Dans un sous-sol au pavillon de Coninck? Oui. Est-ce que les gens savent que c'est quoi CKRL? Je sais pas. Sondage, le savez-vous? C'est Charles de Coninck Radio Laval. Oh, pour la radio de l'Université Laval. Voilà. Qui était située au pavillon de Coninck. Moi, une époque que j'ai pas connue, évidemment. J'avais 4 ans. Mais mon premier souvenir de CKRL... je pense que j'avais 15 ou 16 ans et la musique était tellement fuckée à l'époque. Le soir, c'était la gang de Méduse qui était dans la côte d'Abraham, mais avant de s'installer sur la rue Saint-Vallier. Et à un moment donné, c'était tellement fucké la musique électronique qui jouait certains soirs. Moi, je pensais que c'est de la musique d'extraterrestres. Je pensais que c'est des signaux extraterrestres. Mais tu sais, quand t'es jeune, oui. Ça m'a quand même assez marqué. Puis 89,1, c'est qu'une des stations, tu sais, les gens avaient le réflexe tout le temps d'aller genre du 93 jusqu'au 106, là. Fait que très avant-gardiste la musique à CKRL. J'imagine dans les années 70, ça devait être quelque chose. Ben, ça reste encore très avant-gardiste. Oui. Je trouve que c'est plaisant, c'est divertissant, mais c'est aussi c'est différent petit peu là. Et puis en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et il y a plus d'accent aujourd'hui. Qu'à l'époque, sur la musique francophone. Oui. Je pense que CKRL est plus francophone. Et ça, c'est vraiment important. De toute façon, ça fait partie des conditions de licence du CRTC. Et les autres radios, en fait, les radios commerciales, veulent s'en débarrasser de la musique francophone. Et un des gros problèmes au Québec, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui jouent nulle part, sauf à Radio-Canada et dans les stations de radio communautaires à la radio. Oui. Et à Montréal, on le vit avec des groupes qui jouent uniquement à CIBL, CISM, CKUT et aussi Radio-Canada. Donc, le rôle de CKRL à Québec pour la découverte des talents. Juste revenir à des anecdotes. Tu me demandais qu'est-ce que m'a fait triper à CKRL. C'est les entrevues qu'on faisait avec tous les artistes. Manu Chao, qui est venu à CKRL. Front 242, un groupe belge. Les Négresses Vertes. Oui. On a fait des entrevues incroyables avec Trisomie 21, qui était un des plus gros groupes électroniques belges à l'époque. Et honnêtement, ces gens-là venaient... c'était très facile d'avoir des entrevues. Berrurier Noir, on les a eus ici à CKRL. Léo Ferré aussi, on est dans nos archives. Donc, ces bandes magnétiques-là, je les ai toutes conservées à la maison à Montréal. Parce que je me suis dit qu'un jour, ce serait peut-être bien de ressortir ces entrevues-là. Il faudrait numériser les archives aussi. Mais c'est incroyable le plaisir qu'on a eu de faire des entrevues ici à CKRL avec des groupes comme Berrurier Noir qui, 10-15 ans après, ont fait les plaines d'Abraham devant 75 000 personnes. On était la seule radio à Québec qui faisait jouer du New Wave, qui faisait jouer du techno, de l'électropop, du punk, du rock garage et des genres musicaux qui étaient bloqués partout, sauf ici et un peu à Radio-Canada. Et c'est encore le cas, encore des styles musicaux qui sont à l'honneur dans notre programmation. Patrick, tu parlais des entrevues, ben celles que tu viens de nous offrir, c'était un plaisir. Puis c'est incroyable de penser que Denis Lelièvre est encore ici aujourd'hui. T'es encore là, ça fait 45 ans. L'autoroute, qui est encore là samedi soir, qui était l'émission après nous, ça j'en reviens pas que Stéphane est encore là. Toujours là aussi. Et donc il y a vraiment des piliers qui sont restés au fil des années, ça c'est vraiment impressionnant. Ça doit être parce qu'il y a quelque chose de le fun. Oui. Et que ça vaut la peine. Exactement. Patrick White, merci beaucoup. Bon Radioton, puis merci. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Là, il faut absolument s'arrêter. Le temps d'une pause, mais au retour, on poursuit. Si tu veux rester, Patrick, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on s'arrête pour la pause. Attention, dernier rappel. Vous avez jusqu'à 17h pour participer à notre tirage pré-Radioton. Rendez-vous sur notre site sur ckrl.qc.ca et devenez membre au coût de $25 en utilisant l'onglet PayPal. Merci, thank you, gratia, ciao bella et bonne chance. Le Radioton de CKRL, édition 2018, qui se poursuit, qui vient de commencer depuis 30 minutes seulement, depuis 16 heures. On a pris d'assaut nos bureaux. Je vous rappelle qu'on vide tout ça. On installe une scène. On parlait entre autres avec Patrick White tout à l'heure, qui est un ancien de CKRL, maintenant rédacteur en chef du Huffington Post Québec. Il était de passage, donc on en a profité pour avoir quelques souvenirs. Et on se reprend presque là où on avait laissé l'an dernier avec le député fédéral de Beauport-Limoilou, Aloupa Clark, qui est avec nous à nouveau. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Propriétaire de la boîte à pain qui est encore avec nous. Très content que vous soyez là, parce que j'aimerais parler un peu de la boîte à pain. Mais madame, écoutez, très, très, très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Ben oui, merci. Cette année, pour la grande ouverture du grand Radioton de CKRL, la plus vieille radio francophone du Québec. Communautaire. Communautaire, oui, tout à fait. C'est vrai, il faut le préciser. Oui, on ne voudrait pas se prendre. Le rédacteur en chef de Huffington Post Québec a bien expliqué un peu l'historique. Hein. Oui. C'est toujours bon de se remémorer ça, d'avoir appris l'acronyme également. Là, c'était vraiment bien. Puis moi, depuis qu'on s'est quitté l'année dernière au Radioton, moi, j'ai des nouvelles fonctions. Je suis porte-parole aux langues officielles, donc le français et l'anglais à travers le Canada pour le Parti conservateur du Canada. Et j'ai eu l'occasion d'aller visiter des groupes à travers le pays, dont une radio francophone à Victoria, sur l'île de Vancouver. Oui. Et le français est très important au Canada. Et il y a plusieurs radios communautaires à l'extérieur du Québec qui, de peine et de misère, œuvrent à travers le même métier que vous, là, la radio. Oui. Mais donc, félicitations quand même pour la durée de vie de votre radio communautaire ici. Merci. Qui fait resplendir le quartier. Ben oui, et on s'en rend compte de plus en plus ancré dans Limoilou, entre autres avec la boîte à pain. Mais j'aimerais entendre vos questions à Patrick Nizeau. Oui, ben en fait, c'est un commentaire, ce que vous disiez, bon, la boîte à pain, succès, je sais pas, mais c'est une belle humilité. Mais non, je vous dirais que c'est un grand succès, parce que moi, je vis à Beauport, là, donc je suis député de Beauport et Limoilou, mais je réside à Beauport où je suis né, et je connais bien du monde, moi, qui le vendredi soir ou le samedi après-midi prennent la voiture, ils viennent jusqu'à ici pour aller à la boîte à pain. Donc, ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est non, c'est populaire. Et quand ma mère, qui adore les pizzas européennes, vient chez moi, je viens à la boîte à pain également. Donc, c'est une belle institution. Et puis, moi, ma famille qui réside à Limoilou, c'est une religion pour eux, la boîte à pain. Donc, ah, ben c'est vraiment, ça fait félicitations. Bon. Merci. Ça fait toujours plaisir. Là. Merci. Super. Moi aussi, j'avais une question, mais ça concerne les viennoiseries. Oui. Quel est le secret d'un bon croissant ou d'une bonne chocolatine? Qu'est-ce qui fait là, qu'on a envie d'aller en manger un à tous les matins ou presque? On se retient. Ben, c'est une bonne question. Je pense qu'un croissant, d'abord, c'est une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée levée. Donc, il faut faire une distinction. La pâte feuilletée seulement, elle ne lève pas. Il n'y a pas de levure dedans. Tandis que la pâte à croissant, on met de la levure. Donc, ça crée, bien sûr, un feuilletage, mais en même temps, ça crée un alvéolage. Donc, vous avez les deux là-dedans. Le secret, c'est, je pense, la technique. Littéralement. C'est certain qu'on peut. C'est important d'avoir du beurre, bien évidemment. On essaie d'avoir. Ça prend du beurre. Oui, ça prend beaucoup de beurre d'ailleurs. ça prend en fait. Pour faire un 40 croissants, il faut mettre 1 kg de beurre. Imaginez. Donc ça fait du beurre. Hein. Oui. Et on fait des pâtons de 4 kg de pâte et on rajoute 1 kg de beurre. Donc vous avez 20% de beurre. C'est ça qui fait. On dit, ouais, oui, ça fait beaucoup. Hein. C'est ça qui fait mal à l'artère. Mais tant que je dirais à mes clients, moi je les en beaucoup, mais non, quand même, mon petit côté humain dirait non. Vous voulez garder longtemps. On fait attention là, pas trop, mais. Quand même. Mais les croissants, c'est important à la culture québécoise, canadienne, française. Nous, au caucus conservateur, on a des cafés, bon, des muffins. Le mercredi matin, ça dure 4 heures notre caucus, où on prend nos grandes décisions en commun. Ça prend une petite collation. Et on a des croissants, du café, etc. Okay. Et puis nos collègues anglophones, quand ils voient les Québécois rentrer des croissants, ils disent « Vous et les croissants, c'est incroyable! » Ah, mais le croissant, c'est un peu la baguette aussi. C'est un peu, c'est inévitable. On ne peut pas passer à côté de ça dans une boulangerie, là. Voilà. Oui. Mais c'est ça, ça prend surtout de la technique, ça prend du refroidissement, ça prend un contrôle des températures parce que vous devez mettre du beurre entre la pâte et donc il ne faut pas que le beurre soit trop chaud et que la pâte soit trop chaude non plus. Donc il faut contrôler tout ça, puis il faut faire des plis, on appelle ça. Donc c'est-à-dire que vous repliez, vous faites une abaisse, donc vous incorporez le beurre dans la pâte, vous pliez et vous recommencez. Donc à la fin du processus, le croissant va avoir 96 plis à l'intérieur. Wow. Et là on va le façonner et on va le cuire. Voilà, c'est le secret. Et ça donne un délicieux croissant. Et maintenant, quel est le secret d'une bonne baguette? Waouh, ça aussi, c'est une bonne question. Non, on va vider la question. Ça ah va oui, être tant fait. Qu'à faire, allons-y gaiement. Hein. bon, je pense que pour faire du bon pain, ça prend du temps, premièrement. C'est ça le secret. On ne peut pas faire un produit comme le pain, comme la baguette, sans prendre du temps. Et le temps, c'est pour nous, à la boîte à pain, c'est environ 24 heures. Donc, on va faire des pâtes fermentées la veille. On va faire des pouliches, donc des espèces de levain très liquide que l'on va aussi laisser fermenter pendant presque 24 heures. Et puis, on va commencer la pétrisser des premiers pains qui vont sortir à 2 heures du matin. Et donc, c'est toutes les pâtes qui ont fermenté pendant 24 heures, qui sont incorporées au pétrin, qui sont pétries, et puis qui, après ça, continuent à fermenter jusqu'à leur cuisson finale, qui est aux environs de 6 heures du matin. Donc, c'est ça. Ça prend du temps, puis ça prend un respect des ingrédients. On utilise beaucoup de farine biologique. Pour notre baguette, non, ce n'est pas une farine biologique, mais c'est une farine qui est non blanchie, qui est écologique, je dirais, puis qui est surtout qu'on a sélectionné, qui est très bonne. Des ingrédients de qualité, c'est toujours une bonne base. Vous savez, pour faire du pain, c'est pas compliqué. Ça prend de la farine, du sel, de l'eau et de la levure. C'est tout. C'est on ne peut pas mettre plus que ça. Le reste, c'est du superflu. Monsieur Alupa-Clark, quel est le secret derrière un bon politicien? L'écoute, l'attention, la passion et l'amour du pays. L'amour de son comté. L'écoute, moi, c'est quelque chose que j'exerce énormément, que ce soit à travers mon porte-à-porte. Là, je suis approximativement à peu près à 40 000 portes, là, de fait. Là, OK. Donc, 20 000, 20 000 lors de la campagne, et puis 15 20 000 depuis. Là, je suis à l'orée d'entreprendre, de reprendre mon grand porte-à-porte de printemps. Puis l'été, ben là, c'est vraiment 3 soirs semaine. Et moi, à chaque fois, débuter l'exercice le soir, c'est quand même un coup à donner. T'sais. Donc là, je pars, puis je me donne 80-100 portes environ, de 4h30 à 6h30. Mais une fois que c'est complété, j'ai un sentiment de devoir accompli. Parce que une bonne partie de mon approche envers mon travail en politique, moi, c'est le devoir, oui, l'honneur et la responsabilité individuelle et collective, bien entendu. Donc, pour moi, c'est une question de devoir, d'abord et avant tout, d'aller vers les citoyens et d'honneur. Donc, oui, c'est une recette gagnante, oui, mais surtout, j'imagine, un prérequis d'avoir ça, le devoir et l'honneur. Et donc, l'écoute, en tout cas, c'est certainement important. Puis donc, justement, aujourd'hui, je répondais à environ 500 personnes qui m'ont écrit là, à travers mes envois collectifs, où je leur demande de m'envoyer des commentaires. Puis moi, je me donne l'obligation de répondre à tout le monde, un par un. Et donc, ça fait un an et demi que je fais ça, là, de répondre comme ça à tout le monde. Okay. Et puis, je suis très content d'avoir débuté ça il y a un an et demi. Ça crée vraiment un lien très personnel. Puis, il y a du monde qui me réécrit pour dire, mais mon Dieu, monsieur Clark, c'est incroyable. Je suis très impressionné que vous m'avez répondu en personne à la main. T'sais. Donc, oui, ça, c'est... peu importe le parti, peu importe la province ou la politique qu'on exerce ou les idées qu'on propage, là, qu'on défend, être attentif, être proche des gens puis les écouter. Mais le porte-à-porte, comment les gens réagissent? Parce que de plus en plus, on s'appelle plus, on se voit plus ou presque. Et même on se texte, mais même on s'écrit pour savoir si c'est un bon moment pour se parler. Effectivement, alors parce qu'avant, que, oui, on pouvait débarquer chez quelqu'un, sonner, ouais, à sa porte, salut, t'es-tu là? Oui, on prend une bière ou pas, un café, mm-hmm, puis c'est tout. Mais comment les gens réagissent quand, ben, premièrement, vous ça sonnez? Il me semble qu'on fait un saut quand quelqu'un sonne chez nous. Oui, oui, c'est pour ça que dès que la nuit approche, j'arrête. Parce que là, sinon, les gens déjà, que, comme vous dites, aujourd'hui, là, c'est spécial de faire du porte-à-porte. Lors de la campagne, pour les gens, c'est plus normal. L'histoire de la campagne, ils sont très surpris, mais il faut, ça prend une sensibilité. Puis moi, je l'ai, donc dès que j'ouvre la porte, je vois immédiatement qui m'accueille. Je suis assez bon psychologue, je suis capable de comprendre à qui j'ai affaire. Et c'est une personne qui est intéressée, je le vois tout de suite. C'est pas intéressé, je le comprends. Moi, j'ai aucun sentiment. Moi, je suis là parce que c'est mon devoir, puis je le fais par honneur. Oui. S'il y a des gens qui sont pas contents pour X nombre de raisons, les bébés pleurent en arrière, bon, le poulet est en train de brûler, etc. Moi, je commencerai pas à dire, ben là, je suis à votre porte, tu sais. Donc, je veux vous parler maintenant. La moyenne, c'est 30 secondes. Moi, je suis là pour leur dire, je suis votre député, j'existe, je suis là pour vous représenter à Ottawa. Puis là, donc moi, je leur remets un papier avec mon numéro de téléphone, etc., mes coordonnées. Je leur dis, s'il y a quoi que ce soit, peu importe, aussi fou que vous pensez que l'idée puisse être, ou votre problème en particulier, contactez-moi, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. T'sais. Mais souvent, c'est une question d'humain. Il n'y a pas vraiment seulement de politique, c'est de rencontrer l'individu. Et comme je vous dis, moi, je vois exactement si la personne veut parler ou pas. Puis si elle veut pas parler, ben moi, quand même, je fais mon travail, je lui dis pourquoi je suis là, puis après ça, je continue. Ça arrive des fois au contraire. J'ai rencontré un artiste peintre une fois qui s'est présenté 3 fois à la mairie comme indépendant. J'ai oublié son nom, malheureusement. Il vit ici, à Maiseret. Puis il a dit, non, il dit, toi, tu quitteras... t'es pas sorti du bois ce soir, tu rentres chez moi. Ouais. Et puis là, j'ai compris que... Puis il y avait des livres partout, là, c'est impressionnant, son histoire à ce monsieur-là. Puis j'ai compris que là, le porte-à-porte est terminé. Puis je l'assume, je me suis assis avec lui, puis on a discuté pendant 40 minutes. Puis c'était un très bel échange. Puis j'ai appris beaucoup sur le comté, justement. J'apprends toujours. En parlant, ouais, directement avec les gens. Patrick, en ouvrant une boulangerie, est-ce qu'il y avait cette volonté aussi d'avoir le contact avec l'humain? Parce que nécessairement, passer à la boulangerie, et il y a quelque chose de très ancré dans notre quotidien. On va chercher justement un croissant avant de déjeuner. Est-ce qu'il y avait cette volonté-là aussi de connaître peut-être les gens du quartier ou de favoriser le contact humain? Honnêtement, non. Non. Mais... On voulait faire du pain. Oui, ben c'est ça. C'était d'abord, tu sais, partir d'une entreprise, faut être un petit peu fou d'abord en partant, là, parce que c'est une aventure qui, on ne sait pas où est-ce que, on espère que ça va marcher là, mais on ne sait pas où est-ce que, jusqu'où ça va aller. C'est comme un chemin. On part et puis hop là, on est rendu là. Mais par contre, c'est vrai que les premiers clients qui sont arrivés, ça a été un choc parce que je m'attendais pas du tout à découvrir cette relation qu'on peut avoir en vendant du pain. C'est quelque chose qui est très fort. Et puis, même au début, j'étais tellement waouh, c'est vraiment le fun de faire ça, là. C'est vraiment cool. Que je pense qu'il y a certains clients qui, oh là là, non, je pense que c'est un petit peu trop fort ton affaire, là. j'ai dû prendre, doser mon impétuosité, ma joie de les rencontrer. Puis là, maintenant, je fais attention, là. Mais c'est extrêmement plaisant. De rencontrer les clients, ça fait vraiment, vraiment partie du travail, oui. Mais ça fait la différence d'avoir un commerce de proximité comme ça, bien ancré dans un quartier aussi. On a l'impression que le quartier est plus vivant. Monsieur Clark, est-ce que vous le sentez, le fait d'avoir des commerces de proximité, par exemple, sur la 3e avenue, que les gens ont envie de venir rester proches, ou du moins que c'est une préoccupation pour les citoyens? Absolument. L'éditeur en chef qui était ici, The Huffington Post, l'a dit, hein, Québec vit une vitalité hors du commun, là, incroyable, fantastique, qui pourrait partir par contre. Donc, il faut la nourrir, cette vitalité-là. Oui. Puis les commerçants comme M. Nizzo ici, ils participent absolument, c'est sûr. La 3e avenue avec la Société de développement commercial, un acteur avec qui je collabore énormément dans divers événements. Et puis M. Nizzo a raison, l'entrepreneuriat, écoutez, c'est très dur, hein. Ça prend un très grand courage. Et moi, j'y ai la politique puis l'entrepreneuriat. C'est deux domaines, ça prend du courage dans la vie. Oui. Bien sûr, là, ça prend du courage un peu dans tout, mais c'est très dur pour les entrepreneurs de réussir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faillites, beaucoup, beaucoup de défis. Puis c'est pour ça que moi, dès que j'ai été élu, j'ai voulu m'atteler à la tâche de porter main forte aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui amènent d'abord et avant tout la création d'emplois dans notre communauté, là. Les petites et moyennes entreprises du Canada, c'est 75% des emplois, hein. C'est vraiment eux qui sont parmi les autres acteurs, des acteurs fondamentaux de notre réussite collective. Par exemple, j'ai voulu faire avec la SDC ici, on a fait un 5 à 7 entrepreneuriat, dont le prochain va être à venir à l'automne. Et puis également, j'ai mis en place le réseau des gens d'affaires de Beauport. Parce qu'il faut comprendre qu'à Beauport, non seulement il n'y a pas de chambre de commerce, mais il n'y a pas de SDC comme à Limoilou. Donc, il y a vraiment un manque de concertation. Puis beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs sont venus me voir. Puis on dit, M. Clark, on veut être ensemble, discuter, faire des affaires, discuter de nos priorités, nos intérêts, nos difficultés. Puis moi, en fait, je suis en train de les regrouper pour qu'ils constituent dans le futur une force pour ensuite qu'ils peuvent faire leur doléance envers les politiciens, municipales, provinciales et fédérales. Je suis en train de créer une opposition, bref. Mais non, vraiment, on a eu notre 5e déjeuner des gens d'affaires cette semaine. Encore une 50aine d'entrepreneurs se sont présentés malgré la semi-tempête qu'on a eue mercredi matin. Et très heureux, là, parce que l'objectif, c'est qu'éventuellement, eux vont prendre ça en main et créer un réseau structurant avec un leadership pour vraiment créer un vrai réseau des gens d'affaires qui va être solide, qui va perdurer dans le temps. Tu sais. Mm-hmm. Parce qu'il y a plusieurs tentatives à Beauport comme ça, suite à la fermeture de la Chambre des commerces de Beauport, de regrouper les entrepreneurs. Et ces tentatives-là ont toutes échoué. Mais moi, je leur ai dit, avec moi, ça va réussir cette fois-ci, parce que moi, je vais tenir le bateau jusqu'à temps qu'il y ait un vrai leadership d'entrepreneur qui prend le réseau en main. Mais ça, c'est une des choses que j'ai fait depuis que je suis arrivé. Mais tout ça pour parler d'entrepreneuriat, puis justement, bref, c'est très important. Mais vous savez, nous, on fait, il y a trois boîtes à pain. Il y a la première dans Saint-Roch qui fait partie de la SDC. Et puis la deuxième boîte à pain fait aussi partie d'une autre SDC. Puis je dois vous avouer que je trouve ça extrêmement important de faire partie de ce regroupement-là, parce que c'est, bah, d'abord, on défend collectivement notre existence, nos privilèges, oui, si on veut, les stationnements, la façon, le nettoyage des rues, les fêtes. Saint-Roch, en fait, c'est la SDC qui fait ça, là. Et puis, je ne sais pas, Limoilou, j'imagine aussi, là, je crois, mais non, ça fait du bien. Et puis, j'avoue que si, vous savez, à part de ça, petite nouvelle, au début, la boîte à pain, le café Napoli, devait être à Beauport. Hein? Et oui. Mais Voilà, on a eu une petite mésentente avec le propriétaire, c'est vrai, avec le propriétaire. Puis en revenant, on s'est dit, il n'est pas question d'abandonner, on va la faire. Et on est parti de Beauport, on a roulé tranquillement, puis on est arrivé ici. Ici. Et là, on a vu le local. Mais la quatrième, la prochaine. Là, ben, la quatrième. Mais non, mais je dois vous avouer que s'il y a une quatrième, Beauport est dans nos cartons. Réseau de Beauport à ce moment-là. Ah ben appelez-moi n'importe quand. 2500 pieds carrés de local. Ah oui, ok, bon, on va vérifier ça. Trouvez-moi ça va échouer là. Je vous propose qu'on écoute notre autre porte-parole pour l'André Cassidy. Vous allez pouvoir peut-être concerter pour les détails de cette offre parce qu'elle fait aussi partie du Radioton. On a une discussion très intéressante sur ce qui se passe présentement, entre autres à Limoilou. Il est passé 17h, donc le pré-Radioton est officiellement terminé. On a le nom de tous ceux qui ont participé, qui ont fait un don ou qui ont renouvelé leur carte de membre ou qui sont membres dans l'année. Danny Fortin, tel que prévu, t'es de retour? De retour pour donc nommer les personnes gagnantes de nos deux tirages. Le premier tirage, c'est le tirage pour les cartes de membres, comme tu le mentionnes, Tania. C'est tous ceux qui ont renouvelé leur carte ou qui étaient membres en règle à la date du 6 avril à 17h exactement. Maintenant. Donc, le prix, oui, c'est 150 $, un certificat de 150 $ de la boutique Le Pédalier. On va demander à Patrick. Oui. OK, ben, roulement de tambour. Roulement de tambour, public, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attention. Alors, le gagnant est, oui, Suzy Turcotte. Bravo. Bravo. Bravo, Suzy Turcotte. Alors voilà pour la gagnante membre. Et maintenant, parmi tous ceux qui ont fait un don pré-Radioton. Don pré-Radioton, et il y a un chiffre à annoncer avant de faire le fameux tirage. OK. Okay. Là, ça prend un gros roulement de tambour parce que c'est le premier chiffre officiel. Le précédent record du pré-Radioton était 3 150 $. Ça, c'était le record de tous les temps, de tous les temps. Des 39 dernières années. Oui, exactement, ouais. C'est ça. Donc, c'était en 2016. En 2018, on débute le Radioton à 17h avec un montant de 3 545 $. Ouais! Excellent! Bravo! Bravo! Alors, mais merci de votre générosité jusqu'à maintenant. Exact. Et on fait un gagnant parmi tous ceux qui ont donné. Exact. On va y aller avec un autre tirage, Patrick. La personne gagnante va se mériter 200 $ de certificat au sacrilège, au sacrement, au projet et chez Bol et Poké. Donc, 50 $ à chacun des endroits. Donc, un roulement de tambour encore une fois, là. Merci. Et le gagnant est Hubert Tremblay. Bravo! Bravo, M. Tremblay! La bonne bière. Voilà. Alors, voilà pour nos gagnants et pour le pré-Radioton. C'est terminé. Là, on est dans le Radioton pour vrai. Et Danny, on se reparle dimanche à 21h06 environ. Dans quoi? Deux jours. Dans deux jours. Deux jours. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Ben, merci, bonne fin de semaine à toi aussi, Danny. Okay. On se reparlera pas. Merci beaucoup. Alors, on continue de donner toute la fin de semaine. Vous misez sur l'encan aussi. C'est déjà commencé, depuis 15h45. Les gens misaient sur nos nombreux lots d'encan. Patrick Nizeau, merci beaucoup. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Bon succès. Beaucoup de... d'argent, en fait. C'est ça que ça prend. Et puis, merci encore de m'avoir invité. Ça nous fait un grand plaisir. On repassera certainement traverser la rue pour aller à une des boîtes J'espère. Ben, bonne fin de semaine, Patrick. Et puis bon succès à vous tous. Et nous, on poursuit la discussion toujours à Lupa Clark, députée fédérale de Beauport-Limoilou, qui est avec nous pour la prochaine demi-heure. Oui, tout à fait. Toujours présent. Et se joint à nous un ancien de CKRL, Jean-Denis Côté, et qui est maintenant attaché politique du député de Jean Talon, ministre responsable de la Capitale-Nationale et ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx. Bonjour, Jean-Denis. Bonjour, Tania. Je suis tellement content de faire l'ouverture du Radioton en votre compagnie. Et c'est avec plaisir qu'au nom du député de Jean Talon et ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, j'ai le plaisir de vous annoncer que le ministre accorde au Radioton de CKRL un montant de 2 000 $. Merci bonne beaucoup. Nouvelle. C'est très apprécié. Merci d'être là, d'ailleurs, pour le représenter. Mais ça me fait... C'est un réel plaisir parce que, comme tu le mentionnais, je suis un ancien de CKRL. Et c'est là qu'on se rend compte que le temps passe vite. C'était de 2009 à 2011. Et quand je suis entré, j'avais l'impression que c'était presque hier là, que j'animais. Oui. Ah, le temps passe très vite. Ça passe effectivement très, très vite. Et Jean-Denis, rappelle-nous, qu'est-ce que tu faisais? J'avais ma propre émission d'affaires publiques, portrait de société. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer des gens du milieu politique, comme Monsieur Clark ici, des gens du milieu communautaire, beaucoup de représentants d'organismes communautaires, des artistes, des chanteurs, des écrivains. On m'a fait confiance pour être le Morning Man remplaçant pendant un an et demi. Alors, et j'ai toujours eu la chance, et je prends la peine de le mentionner parce que je trouve que c'est une belle richesse, la solidarité à CKRL. Moi, je ne suis pas vraiment capable d'animer et de faire ma propre mise en onde. Alors que toi, Tania, je sais que tu es parfaitement capable de le faire. Puis j'ai beaucoup d'estime, voire un soupçon d'admiration pour tous ceux qui sont capables d'être concentrés, de faire les deux. Moi, quand je suis en entrevue, là, ça demande toute ma concentration. Donc, il y a toujours eu un bénévole généreux qui est venu co-animer et faire la mise en onde dans mes émissions. Et ça témoigne de la passion des gens de CKRL pour la radio. Et c'est ce qui caractérise, je pense, cette radio-là, la passion. Moi, je suis toujours impressionné de voir tous ces gens qui viennent à chaque semaine parler de leur passion, que ce soit le jazz, le blues, la chanson francophone, parfois le heavy metal, ça dépend. Mais ce soir, 22h, hein, on en aura ici, en direct. Voilà, exactement. Donc, c'est extrêmement varié et ça fait en sorte que CKRL était et est restée la radio des découvertes. Moi, j'avais l'habitude de dire en ondes, CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. J'aimais tellement dire ça. Puis je pense que c'était vrai, c'est encore vrai aujourd'hui. Puis j'aimerais saluer, au nom du député de Jean Talon, Sébastien Proulx, le beau travail des artisans de CKRL. On est fiers de notre radio communautaire, on est fiers de l'appuyer et on espère que ça va continuer très longtemps. Puis on souhaite le meilleur des succès aux radiotons de CKRL. Merci beaucoup. On va transmettre les salutations à tous nos bénévoles. Et je tiens à faire un lien avec le ministre de l'Éducation parce qu'on a deux émissions qui seront animées par des jeunes, des très jeunes d'environ 9 à 12 ans. Ah oui? Oui, pendant la fin de semaine. Donc, entre autres, avec le Machin Club, qui est un média créé par et pour des enfants. Donc, le samedi, ils vont recevoir des invités, ils vont leur poser des questions. Il y aura même une prestation de Webster. Et avec l'école, les élèves de l'école Saint-Fidèle. On a une émission qui s'appelle Saint-Fidèle au poste. Donc, c'est le dimanche, voilà, à 10h, où là, on aura encore les jeunes qui vont être là pour nous présenter des chroniques et interviewer, entre autres, un artiste aussi, Pascal Picot-Larouche, qui va être là. Donc, on donne la place aussi aux jeunes. Ça témoigne de la variété de CKRL. Vraiment, oui. Vraiment. Alors, moi, j'ai fait partie des gens qui ont renouvelé leur carte de membre. Donc, j'étais parmi les noms du tirage et je félicite Suzy Turcotte qui a gagné le beau prix. Mais le fait que les gens renouvelaient après année à année, ça témoigne d'un attachement à leur radio communautaire. Je pense qu'ils se reconnaissent beaucoup dans cette radio-là. Je pense que le succès du pré-radioton témoigne aussi de tout ça. Un record cette année. Oui, un record en effet. Et souhaitons-le, peut-être un record pour le radioton actuel. Souhaitons-le, effectivement. Ce serait très, très agréable. Jean-Denis Côté, merci beaucoup. Bien, merci de m'avoir invité. Et le meilleur des succès et surtout, bravo à tous les artisans de CKRL. Merci pour votre beau travail. Au nom du député de Jean Talon, Sébastien Proulx. Un mot avec Amassan, qui est des nôtres depuis déjà plusieurs années et qui va masser au profit de CKRL encore une fois. Amassan, j'ai envie de te demander, mais pourquoi tu fais ça? Ben, en fait, en premier, c'est parce que je vous aime bien gros. Hein? C'est une bonne réponse. Bon, puis on est tous, en fait, on est tous ensemble, hein? On est toute une communauté ensemble. Bon, moi, je fais du massage à la boîte à pain avec Patrick, oui. Patrick Nisseau. Alors, vois-tu, déjà là, j'ai oublié, ça fait combien de temps que je me suis impliqué. Là, je crois que c'est 2009. Cette année-là, c'est Antoine Graton qui était à porte-parole, alors je ne me souviens plus de l'année. Là, mais... Ça fait un bout. Ça fait vraiment un bon bout. Ça fait un bon bout. Oui, ouais. C'est ça. J'ai les pouces qui boucanent encore. Donc, nous rappeler qu'est-ce que c'est, ce massage sur chaise, de quelle technique? OK. Le massage que je vais donner, que les gens vont recevoir, c'est un massage japonais. C'est un massage d'acupression. OK. C'est un massage qui est très énergisant, contrairement à d'autres types de massages où c'est beaucoup plus enveloppant. Alors ça, c'est le genre de type de massage qui te permet de finir les derniers milles de la journée. Par exemple? Par exemple. Par exemple, oui. Comme? Comme moi, là. Ça me permet de finir les derniers jours de la Surtout vers la fin du Radioton aussi. Ouais, là, oui. Alors, ben, j'invite les gens à venir prendre un massage. Le printemps, c'est un peu comme le jour de l'an. Les gens font prennent des petites résolutions, recommencer à courir, aller faire du canot. Et puis, le printemps, c'est une belle saison aussi pour désintoxiquer le corps. Le massage favorise la désintoxication du corps. Alors, de quelle manière que ça désintoxique le corps? En fait, ce massage d'acupression-là, il favorise la circulation des fluides dans le corps, particulièrement le sang. OK. Alors, en activant la circulation sanguine et la lymphe, alors on se trouve à désintoxiquer, à flusher qu'est-ce qui est pas bon dans le corps. C'est un peu comme un jeûne, là, tu sais, en quelque sorte, là. Oui, on peut dire que ça serait un peu comme un jeûne, mais le corps, c'est en recevant le massage, le corps a ses facultés d'entreprendre ce processus. Ah, oui, on n'a pas besoin de rentrer dans des gros processus de désintoxication. Alors moi, je pense que c'est gagnant-gagnant. Vous venez, vous faites un don de 10$, vous recevez un massage de 10 minutes. C'est dans les bons deals qui existent sur Terre. Oui, puis cette année, ben moi, à l'intérieur de votre objectif de 42 000$, ben moi aussi, c'est sûr que mon objectif, c'est d'en faire encore plus cette année. L'an passé, je crois que j'ai réussi jusqu'à 300$. Alors, cette année, mettons, on va dire 350, ça serait bon encore. Là, t'as les pouces qui vont boucaner certains. Amassane, merci beaucoup. On te retrouve à partir de demain, donc dans l'après-midi et dimanche aussi, ici même au 405 3e Avenue. D'accord, merci de participer. Merci, bonne fin de semaine, bon Radioton. Monsieur Clark, après une grosse journée là de débats, alors que je sais pas là, les autres députés là, ça a brassé un peu. Comment vous faites pour relaxer? Pour peut-être vous changer les idées. Ouais, d'habitude, là, moi, c'est jusqu'à 8h le soir, là, je suis dans mes affaires, puis je regarde à la fin de la journée, je vais passer à travers une dernière fois tous les courriels, faire sûr que j'ai rien manqué. Puis relaxer, j'écoute un documentaire politique. Voilà. Moi, c'est non, mais le devoir, toujours. Moi, je suis vraiment political junk, là, comme on dit, mais depuis j'ai 15 ans, là, ça n'a jamais changé. Puis non, mais tu sais, je relaxe. À Ottawa, c'est extrême. Là. C'est de 7h du matin jusqu'à 8h le soir. Puis même des fois, quand ma famille vient avec moi à Ottawa, tu sais, dans le fond, je les vois pas beaucoup plus que s'ils restent à Québec. Puis ils restent pas mal toujours à Québec parce que j'arrive le soir vers 7h30, 8h. Puis c'est des grosses journées à Ottawa. Puis c'est comme ça que ça devrait être. Tu sais, c'est important pour les citoyens. Et donc, mais comment je relaxe? Ça changer les idées, par exemple. C'est ça. Ouais. Je me fais un bon repas. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, par contre. Tu sais, j'ai un appartement là-bas. Puis je fais un épicerie. Et je me fais des vrais repas. Là. Ça peut être un filet de truite ou un steak. Ou, tu sais, je me fais des vrais repas. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues qui vont au restaurant. Là. Mais moi, pour moi, j'étais 5 ans en cuisine. Puis dire du V, Cosmos, Tatum. Puis donc, pour moi, ça a toujours été important pour ma santé mentale et physique de me faire des bons repas. Puis bon, j'imagine que c'est comme ça que je relaxe finalement. Après ça, ben, je vais me coucher. Je me couche vers 10 heures. Je lis un peu de politique. Évidemment. Et puis, je m'endors. Mais de lire la politique des autres, des fois, ça peut être relaxant un peu aussi. Oui, mais je lis surtout de la politique, pas de politicien, mais de politologue, d'historien, tout ça, tu sais, pour mieux savoir comment me situer en société. Puis bien comprendre les enjeux passés, futurs et présents, tu sais. Mais tout à l'heure, avec Jean-Denis Côté, j'avais une question parce qu'il parlait du fait qu'il avait reçu des politiciens en entrevue pour faire des entrevues. Et quand vous êtes en entrevue, quel genre de questions vous aimez recevoir ou au contraire, vous n'aimez pas recevoir de la part d'un journaliste politique? Là, pas ici, là ici, on est entre nous. Ben, peut-être des questions vraiment d'ordre personnel là, sur ma vie en famille, comment relaxer, c'est ça. Ça, c'est les pires questions. Mais non, mais sérieusement, non, moi, j'arrive pas avec une idée comme ça quand je fais une entrevue. Au contraire, moi, j'aime les défis. Et puis là, quand même, depuis 3 dernières années, j'en ai fait pas mal d'entrevues. Puis je suis plus habitué, puis j'ai pris le goût. Là, j'aime le micro. Vous vous souvenez, l'année dernière, là, j'avais de la misère à quitter l'hiver radio temps. Oui, et là, je pense que ça va être la même chose aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, mais vraiment, j'aime bien. Puis moi, je suis prêt à toutes les questions. Je pense que je lisais un des livres, justement, je lisais récemment, le monsieur faisait un parallèle. Il disait, vous savez, les citoyens, quand ils élisent un politicien, dans le fond, eux sont l'employeur, puis le politicien, c'est l'employé. Oui. Les citoyens recherchent un bon employé comme un entrepreneur recherche un bon employé. T'sais. C'est normal qu'ils vérifient nos antécédents, d'où on vient, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont nos idées. Puis c'est surtout normal que par la suite, après l'élection, si c'est le cas, qu'on a été élu, que les citoyens à travers surtout le journalisme et les médias d'enquête, etc., qui sont très importants pour la démocratie et très importants pour justement que les citoyens peuvent garder un suivi sur l'employé, entre guillemets, qui est le député, l'employé des citoyens. Moi, j'appartiens, mon boss, là, c'est vous. Vous vivez à Limoilou? Non. Ah bon, ben bref. Désolé, moi, je savais que M. Duclos. Là, ici, il y a plein de gens là, qui sont mes boss, puis tous les citoyens sont mes employeurs. Donc, c'est comme ça que ça devrait être. Et donc, faire des entrevues, ça fait partie de cette reddition de comptes publics-là qui est fondamentale. Donc, c'est la manière de, justement, de passer l'information. Est-ce que c'est difficile de la faire passer peut-être à travers le filtre du journaliste parce que c'est le plus grand moyen, disons? Mais oui, c'est sûr. C'est une puissance énorme, là, tu sais. Puis, comme par exemple, moi, des fois, quand j'étais à la Chambre des communes, puis là, on sort après perdre des questions, puis on a des scrums, oui, tu sais. Oui, intense. Et puis, moi, je fais beaucoup, beaucoup porte-à-porte, comme vous savez, mais avec un scrum, des fois, qui dure 3 secondes, j'en entends parler dans le comté pendant 2-3 semaines. Les gens disent, oh, je t'ai vu, je trouve que c'est bien ce que tu as dit, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Donc, oui, ça a une puissance extrême, les médias, tu sais. Mais justement, j'aimerais ça, comme je suis avec vous aujourd'hui, et puis beaucoup de citoyens qui nous écoutent. Vous parlez un peu de ce que je fais dans le comté. Oui, justement. Surtout ces temps-ci, là, parce qu'on est en pleine période emploi d'été Canada. Ça, c'est plus de 600 000 $. C'est un programme pour des jeunes étudiants pour que les PME du comté ou les organismes communautaires puissent bénéficier de subventions du fédéral pour engager des jeunes étudiants. Ouais. Le programme a deux objectifs. D'abord, c'est de permettre à des jeunes étudiants de vivre une première expérience dans le milieu du travail. Et c'est pour aider des organismes communautaires ou des PME naissantes à avoir de l'argent pour les aider à employer quelqu'un. Parce que c'est pas toujours facile de payer quelqu'un de plus. Surtout pour les organismes communautaires, c'est ça. Ouais. Et donc moi, mon objectif fondamental, puis ça c'est un des pouvoirs qu'un député fédéral a, c'est que je reçois la liste du 600 000 $ des 89 organismes du comté. Organismes ou PME ou groupes culturels qui demandent X nombre d'argent. Oui. Et donc, moi, chaque année, puis je l'ai fait, on a terminé mon équipe il y a 2 semaines, on s'est assuré de redistribuer le maximum d'argent des entreprises privées vers les groupes communautaires, tu sais. Parce que pour moi, c'est un objectif fondamental, puis c'est un devoir, je pense, à s'assurer que cet argent-là, qui est de subvention gouvernementale, sert d'abord et avant tout aux groupes communautaires qui viennent en aide là, dans toutes les différentes problématiques sociales qui peuvent exister, ou aussi dans les activités culturelles de l'été, de l'automne. Il y a également Développement économique Canada, l'Agence de développement économique Canada du Québec. Ça, c'est vraiment pour aider les PME à travers le Canada. C'est plus de 200... Il y a une agence comme ça de développement, il y en a 17 au Canada. Au Québec, on en a une. Et ils vont distribuer plus de 200 millions de dollars par année en mode prêt à toutes sortes d'entreprises qui, par exemple, ils sont en innovation et exportent à l'extérieur du Canada et qui voudraient acheter une nouvelle machine qui va leur permettre d'être plus efficace, d'être plus rentable, davantage performant. Et donc, l'Agence de développement économique Canada va les aider à acquérir une machine avec un prêt qu'ils vont rembourser sur X nombre d'années. Mm-hmm. Ben moi, justement, je fais la tournée des entreprises à chaque été et durant l'hiver également. Et je informe les entrepreneurs de cela. Je leur dis, écoutez, êtes-vous dans l'innovation? Est-ce que vous exportez à l'extérieur du Canada? Et si c'est oui, pour les deux questions. Mais là, je dis, avez-vous déjà pensé à Développement économique Canada? Il existe, oui. Le programme. Et donc là, je travaille très activement à cet égard. Et aussi, je veux revenir sur l'emploi d'été Canada, que ce soit le Centre Monseigneur Marcoux, le Centre Jean-Guy Drolet, le Patro Camado, le Centre Monseigneur de Laval à Beauport, Centre d'entraide Agapé, Boucher Généreuse. Donc là, écoutez, il y en a là, des groupes communautaires et des centres communautaires à Beauport-Limoilou. Ils m'ont tous demandé à se passer, « Monsieur Clark, là, Seigneur, on a-tu l'argent qu'on voulait avec l'emploi d'été Canada? » Ben, j'ai dit, « il y a une partie qui était parti, puis je l'ai ramené. Puis dans une semaine, je vais avoir les vraies réponses avec les vrais chiffres. Ça va être positif grâce au travail que j'ai fait. Et finalement, il y a le programme Nouveau Horizon. Ça, c'est jusqu'à 25 000 $ par année pour des clubs d'âge d'or. Donc, si un club d'âge d'or va avoir des nouvelles tables, des nouvelles chaises, ça, c'est 3 programmes fédéraux quand même que moi, je peux vraiment avoir un rôle important à jouer. En fait, j'ai un rôle important à jouer là-dedans. Non seulement de sensibiliser, d'informer les groupes et les entreprises, mais d'assurer qu'ils ont le maximum de l'argent des programmes. L'autre chose également, c'est tout le travail en ce qui a trait à l'entrepreneuriat dans le comté et tous les enjeux, à la fois provincial et municipal. Donc, mais tous les enjeux provincial et municipal, que ce soit la revitalisation des Destimoville, que ce soit le tramway, par exemple, ou le troisième lien, qu'est-ce qui va passer en plein cœur de Limoilou, tous ces enjeux-là ont avoir que le fédéral. On est des partenaires. Donc, je vais vous donner un exemple. Le centre Jean-Guy Drolet, ici à Limoilou, a eu un agrandissement important grâce à des investissements du fédéral il y a quelques années. Et j'étais à l'annonce le mardi matin avec le maire de Québec pour l'agrandissement du centre du Pivot, centre communautaire Le Pivot à Montmorency, qui a eu cette subvention-là de 1,5 million de dollars du fédéral sous M. Harper lorsqu'il était là. Donc, c'est comme ça, souvent l'argent, hein, ça prend des années, mais quand ça arrive, c'est bien. On est content de l'avoir. Et à Destimoville, c'est incroyable ce qui se passe, madame, là. Puis le fédéral a un gros rôle à jouer là-dedans. En 2006, nous, sous M. Harper, les conservateurs, on a voulu donner un gros coup de revitalisation en collaboration avec la Ville de Québec en amenant des emplois du gouvernement fédéral sur place. Oui. Plus de 2000 emplois sont là maintenant. Il y a 3 nouveaux édifices. Et là, il y a Medicago, un expert en vaccins, donc dans le pharmaceutique, qui a une idée incroyable, innovatrice au max, pour créer des vaccins pas par l'entremise d'œufs, je ne suis pas l'expert là-dedans, là, mais par l'entremise du tabac, imaginez-vous. Donc, c'est une façon de recycler On va fumer notre vaccin. Non, c'est que la feuille du tabac a des espèces de particularités scientifiques, là, naturelles, qui permettent au vaccin de se développer plus rapidement. Okay, et ça, c'est 300 emplois qui s'en viennent en plein cœur de Giffard, où on a besoin de revitaliser à Medicago, et c'est parce que le Parc technologique de Québec, qui est un grand succès, n'a plus de place presque. Donc oui. Là, on est content de pouvoir bénéficier de ça dans Beauport-Limoilou. En plus, la 800 passe par là. Exactement. C'est pratique de ben, le parc technologique est plus difficile en transport. Donc, il y a beaucoup d'enjeux comme ça, à la fois municipal et provincial, où le fédéral a un rôle. Et moi, je m'assure d'être là pour assurer que le fédéral joue son rôle. Donc, encore une fois, une année très, très chargée. Oui, puis je voudrais terminer en vous disant que quand on parle de la vitalité de Limoilou, puis de mettre Limoilou on the map, là, sur la carte, là, moi, j'ai voulu faire le maximum que je pouvais à cet égard-là. Quand je suis arrivé, j'ai vu que le 150e anniversaire du Canada, notre grande fédération que moi j'admire, que j'adore, et j'espère que c'est le cas de tous vos auditeurs et auditrices, je me suis dit qu'il faut absolument avoir des festivités de grande envergure dans le comté, pas juste en Haute-Ville. Et donc, j'ai tout de suite été voir Limoilou en vrac. Oui. Et je leur ai dit, écoutez, vous êtes des experts en montage de grands événements. Moi, je m'assure d'aller chercher le financement. Et vous, s'il vous plaît, montez un événement. On se rencontrait tous les mois. On a travaillé sur ça pendant un an et demi. Et finalement... L'été dernier, on a eu de gros événements. On est le seul quartier en périphérie du centre-ville de Québec à avoir lieu des festivités du 150e anniversaire du Canada avec une subvention de 50 000 $ avec Madame la chanteuse, là, Seigneur... qui vient de Limoilou. Safia Nolin qui était là, c'est ça, les gens étaient très contents de la voir. Nabib aussi, un chanteur rap. Donc, c'était un événement qui a duré toute la fin de semaine, 100% planifié et prévu par mon bureau. Et ça, c'est un grand succès, je suis content, et ça a amené beaucoup, environ, je pense, 6 000 personnes qui sont venues toute la fin de semaine. C'était à Limoilou, pas sur les plaines d'Abraham. Puis c'est plus de 2 millions de dollars qui ont été dépensés dans le comté pour toutes les festivités du 150e. Monsieur Aloupa-Clark, l'an prochain, il va falloir prendre une heure ensemble. N'importe quand, madame, je vous l'ai dit la dernière fois, moi, je reviens. N'importe quand. Vous m'appelez, puis je vais vous parler de tout ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas parlé de la politique. On n'a même pas parlé de politique. Le budget désastreux, le déficit de 18 milliards, les problèmes d'éthique du gouvernement libéral avec M. Trudeau, son ministre des Finances qui a caché ses dividendes financières de sa compagnie familiale. On n'a pas parlé non plus des réformes fiscales. Trudeau voulait augmenter les impôts des petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de la création d'emplois à Beauport-Limoilou. Et donc, c'est ça, il fait des grands déficits, il a besoin de les combler. Puis c'est très malheureux, mais oui, j'aurais aimé ça pouvoir vous parler plus en profondeur des problèmes d'éthique du gouvernement libéral et de ses réformes désastreuses. L'an prochain, on va se prévoir. Fiscalement parlant. plus de temps. Et hausse d'impôts aussi, chaque famille. En plus. Chaque famille. Non, mais il faut le dire, chaque famille à Limoilou et Beauport paye 800 $ de plus d'impôts actuellement, et ce n'est que le début, là. Bon. Que le début. En tout cas, ça va finir dans 2 ans parce qu'on va arriver au pouvoir et on va baisser les impôts et les taxes. On en parlera lorsque vous allez passer dans notre porte-parole, monsieur Aloupa-Clark. Merci beaucoup d'avoir merci été à vous. Des nôtres. Un grand plaisir. On se prendra un selfie là, pendant la pause. C'est bon. On se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission de fermeture. Partenaire majeur du Radiothon de CKRL, l'hôtel Château-Laurier est un établissement 4 étoiles situé au cœur du Vieux-Québec, à 2 pas de la Grande Allée, des plaines d'Abraham et du fleuve Saint-Laurent. Pour des vacances mémorables et des réunions d'affaires réussies, Hôtel Château-Laurier est heureux d'héberger les artistes du Radiothon. hôtelchateaulaurier.com. l'émission d'ouverture qui tire à sa fin de ce Radioton 2018. Et ce n'est que le début. Il y a une trentaine d'émissions tout au long de la fin de semaine. On vous invite à jeter un œil à la programmation qu'on a dévoilée depuis déjà quelques jours, qui se retrouve sur notre site ckrl.qc.ca. Mais juste pour vous dire ce qui suivra dans la soirée, entre autres, on aura Raton Laveur en un seul homme. Mais tout de même, tout un homme et tout un raton. Donc, Simon Lachance sera là à 18h. On reprend la guerre du rock qu'on avait fait l'an dernier. On a vraiment de bonnes émissions de rock à CKRL. Et c'est pourquoi on a décidé que les animateurs devaient s'affronter pour déterminer qui était le plus connaissant. Nul autre que Johnny Rottweiler, qui se cache derrière Jean-Sébastien Grondin à l'animation. Il a préparé un quiz, encore une fois, où les animateurs s'affronteront. Ensuite, c'est les grands classiques du vendredi à 20h, rue d'Auteuil, Michel Dubois qui nous trouve toujours un groupe qui vient jouer le Racine Blues Band. Et là, c'est le moment fort, je vous dirais, de la fin de semaine, carrément. Tout le monde qui se déplace, il y a les auditeurs habituels de Michel Dubois qui en profitent pour venir le voir. Et ça prend des photos. Ça prend des photos avec Michel Dubois, je garantis. J'ai déjà vu ça. On prend des selfies avec Michel, qui est carrément une vedette. Et d'ailleurs, qui, cette semaine, est l'animateur de la semaine par la Association des radios communautaires du Québec. Moi, je pense que c'est arrangé un peu avec le gars des vues, le fait que ça tombe juste avant notre radioton. Mais si vous avez envie d'aller lire sur leur page Facebook, il y a vraiment quelques questions qui ont été posées à Michel, qui raconte des anecdotes sur sa carrière. Il est habitué de mettre les autres en valeur, mais là, pour une fois, on entend parler de lui. Et c'est vraiment très agréable de lire tout ça. Et il dit, entre autres, qu'il a déjà signé des autographes une fois. Hein, je parlais de prendre des photos, là, mais c'est déjà arrivé. Donc, vous aurez la chance de le voir en chair et en os. Et on aura aussi un photographe sur place. Vous pourrez vous faire prendre en photo officiellement dans le contexte du Radioton. Et à 22h, là, ça brasse. C'est le moment où on a peur à nos fenêtres un peu parce que Démentiel M'en Vaut prend le contrôle. Olivier Bercelli, qui est là avec probablement la meilleure émission de métal du monde, rien de moins. Et c'est The Outborn qui seront à l'honneur. Et il a préparé aussi une entrevue avec Soulfly, groupe de métal bien connu, qui sera diffusé. Donc, parce que faut quand même installer le groupe de métal. Alors, on va faire tout ça pendant que on écoute en onde l'entrevue avec Soulfly. Et pendant la nuit, bien, ça se poursuit, hein, parce que ça se termine pas là. On aura la nuit psychédélique avec l'équipe des nuits psychédéliques qui ont préparé toute une programmation, entre autres Tania Bellacasse, Pierre Tremblay, François-Samuel Fortin, Catherine Bélanger, qui seront là pour passer le meilleur du psychédélisme. Et ça nous mènera à demain matin, parce que c'est 24 heures sur 24, le Radioton, et j'aurai l'honneur d'ouvrir tout ça avec les sœurs Dufour-Lapointe. De ma mémoire, première fois qu'on a des médaillés olympiques dans la programmation du Radioton, alors ce sera un grand bonheur de les recevoir, et la programmation se poursuit tout au long de la fin de semaine. Elle est disponible sur notre site Internet. Vous avez la chance de voir les émissions sur place, et vous pourrez vous procurer nos nouveaux T-shirts fraîchement débarqués de la boîte et du produit de T-shirts, deux couleurs, version rouge, version noire, plus flash, plus discret. Donc, vous pourrez enfin porter les couleurs de CKRL, et pourquoi pas le faire lorsque vous viendrez assister aux émissions. D'ailleurs, samedi soir, traditionnellement, on allait au Bal du Lézard, mais là, on a décidé de ramener ça chez nous. Ça se passe ici avec une émission créée de toutes pièces qui est un croisement entre Prescription Punk Rock et Délinquants Juvéniles. Ça donne Délinquants Punk Rock, et on aura entre autres trois groupes pendant cette émission: Fidel Fiasco, Manny Junior and the Cyclones, mais aussi Melvis and the Jive Cats. Donc vous aurez peut-être l'occasion de danser ici même au 405 3e Avenue. Donc on est en rockabilly et en punk rock, exactement comme le nom de l'émission le laisse présager. Et vous avez envie de danser, il y a aussi Lilithi avec T420 qui sera là dimanche à 17h, et une émission qu'on confie encore une fois à Jean-Sébastien Grondin pour s'assurer là que l'énergie soit à son top niveau quand on commence l'émission de fermeture. Et il y a des danseurs qui vont être sur place. Donc, vous avez envie de danser un peu, là, c'est serré ici, mais tout se peut. Donc, c'est certain que ça va arriver. Vous pourrez venir voir ça. Un mot sur l'encan 95 lots cette année. Il y a certainement quelque chose qui vous plaira dans notre liste. Encore une fois, site Internet pour consulter. Vous avez envie de venir voir aussi directement en studio, hein? Tout ça est accroché sur nos murs, donc vous aurez tout de même l'information. Nos toiles qui sont à l'encan sont affichées dans notre cabaret ici, donc vous pouvez venir les voir, les admirer. Des fois, on a une grandeur là, 20 par 24, ça veut dire quoi? Ben là, vous le voyez. Là. Est-ce que ça rentre ou non dans votre salon? Vous pourrez le déterminer en les voyant. Il y en a de toutes sortes de grandeurs, dont plusieurs œuvres qui sont affichées, entre autres une de Fred Jourdain qui souligne le 50e anniversaire du Festival d'été de Québec. Encore plusieurs livres qui sont à l'encan. Le Théâtre Périscope qui offre un abonnement fidèle au poste. Des bandes dessinées, l'Orchestre symphonique de Québec avec des forfaits à la carte. Des émissions de CKRL avec qui vous pouvez animer, donc vous payer. Et on vous offre de faire la programmation musicale d'une de nos émissions, des certificats cadeaux, des séances de yoga, des produits cosmétiques. On a des certificats cadeaux, la pâtisserie, toujours agréable aussi. Donc, il y a vraiment, pour tous les goûts, des prix qui vous tenteront certainement. Et je vous le rappelle, chaque dollar est remis directement à CKRL. Les partenaires ont fait un don très, très généreux. Donc, à chaque fois que vous payez ces 75 $, 125 $, c'est dans la cagnotte du Radioton, qui est déjà débuté à un peu plus de 3 500 $, le premier chiffre qu'on a annoncé à 17 h officiellement. Donc, pour miser, ça se fait par téléphone, 640-25-75, dans le 88, évidemment. Donc, vous le faites toute la fin de semaine. Nos téléphonistes sont là pour prendre vos appels, comme on dit. Programmation aussi est sur le site, mais sinon, vous venez ici au 405 3e Avenue. C'est ici que ça se passe toute la fin de semaine pour le Radioton. On se retrouve évidemment à l'émission de fermeture, entre autres, que je co-anime avec Agnès Maltais, pour dévoiler tout ce qui se passe. Alors, Raton Lover avec nous et Jessica Leb dans les prochaines minutes. Restez là, le Radioton 2018 se poursuit.